France Musique. All That Jazz. Billie Holiday, troisième épisode, une voix en verve. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le 24e épisode de cette émission d'Histoire du Jazz, le troisième chapitre de notre feuilleton consacré à la figure de Billie Holiday. Elle aurait 100 ans cette année, elle était née en avril 1915. La semaine dernière, nous nous sommes quittés en octobre 1944 avec une magnifique version de Loverman qui ouvrait une nouvelle période dans l'itinéraire de la chanteuse puisqu'il s'agissait de la première séance d'enregistrement pour la marque Decca en compagnie d'un orchestre réuni et dirigé par l'arrangeur Toots Camarata, ce qui créait un climat nouveau pour l'univers de Billie et tout à fait propice à l'émotion. En voici une nouvelle illustration avec un autre titre enregistré le même jour, No More. Nous sommes toujours le 4 octobre 1944. You ain't gonna bother me no more, no how. Love goes just so far, no more. Woke up this morning and down to my size, it's over and done. So a highness step down from your throne. That look in your eye don't bother me none. Can take you or leave you alone. From my window, skies ain't gray no more, not now. Here's the day that I've been waiting for. One heart with no spares must save it for loving somebody who cares. So you ain't gonna bother me no more, no more. No More, musique de Toots Camarata, paroles de Bob Russell. Nous sommes le 4 octobre 1944. Billie Holiday est en studio avec l'orchestre de Camarata qui signe l'arrangement de ce petit orchestre avec un pupitre de cordes. « Je n'avais pas envie de la petite formation habituelle », raconte la chanteuse dans son autobiographie. « Il me fallait un orchestre à cordes. J'ai fait des pieds et des mains pour obtenir ce que je voulais », précise-t-elle. Et bien lui en a pris, puisque quelques années plus tard, elle citait volontiers cet enregistrement de « No More » parmi ses réalisations préférées. Comme le rappelle Alain Gerber dans le texte de présentation de son édition « Billie Holiday » sous l'étiquette « Masters of Jazz ». Un mois plus tard, le 8 novembre 1944, Billy grave la première version d'une chanson bouleversante, probablement très inspirée par des événements vécus, et quelques signes avec Arthur Herzog, Don't Explain. Mais je ne suis pas le seul à lui préférer une autre version de cette même chanson, réalisée sur un tempo un petit peu plus lent l'année suivante, le 14 août 1945. Cette fois-ci, elle est en compagnie d'une petite formation réunie autour du contrebassiste Bob Haggart. Hush now, don't explain. Just say you'll remain. I'm glad you're back. Don't explain. What is there to gain? Skip that lipstick. Don't explain. You know that I love you, and what love is. All my thoughts of you, for I'm so completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong, don't matter, when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain. My life's yours, love. Don't explain. You know that I love you, and what love. Above you, for I'm so completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong, don't matter, when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain. My life's yours, love. Don't explain. Alain Gerber raconte la situation décrite dans les paroles de cette chanson. Son mari, le tromboniste Jimmy Monroe, serait rentré un soir à la maison avec du rouge à lèvres sur son col de chemise. Billie Holiday lui dit « Prends un bain, mon vieux, ne t'embarque pas dans des explications. Don't explain. » Billie Holiday co-signe cette chanson avec Arthur Herzog. C'était déjà le cas quelques années plus tôt pour une autre chanson tout aussi personnelle, God Bless a Child. Mais le chant de Billie, c'est aussi s'épanouir dans un contexte qu'elle s'approprie avec une rare aisance. Le 14 août 1945, au cours de la même séance, elle signe cette version de You Better Go Now, qui fera notamment l'admiration de sa cadette Sarah Vaughan. Because I like you much too much. You have a way with you. You ought to know now just why I like you very much. The night was gay with you. There's the moon above, and it gives my heart a lot of swing. In your eyes there's love, and the way I feel it must be spring. I want you so now. You have the lips I love to touch. You better go now. You better go, because I like you much too much. Gives my heart a lot of swing. In your eyes there's love, and the way I feel it must be spring. I want you so now. You have the lips I love to touch. You better go now. You Better Go Now, enregistré en août 1945 par Billie Holiday avec l'orchestre du contrebassiste Bob Haggart et au milieu de cette formation le trompettiste Joey Guy, qui fut à cette époque un proche de la chanteuse pour le meilleur et pour le pire, puisqu'il était à la fois son amant et son dealer. On retrouve Joey Guy au sein de l'orchestre de Bill Stegmaier au cours d'une nouvelle séance pour Decca le 22 janvier 1946. Billie y est magnifiquement émouvante dans cette mélodie écrite pour la circonstance par son amie Irene Higginbotham. Cette chanson, Good Morning Heartache, sera d'ailleurs citée par la chanteuse Peggy Lee comme son disque préféré de Billie Holiday. Good morning, heartache, you old gloomy sight. Good morning, heartache, thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, good morning, heartache, what's new? Stop haunting me now. Can't shake you no how. Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache, here we go again. Good morning, heartache, you're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache, sit down. Shake you know how. those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache, here we go again. Good morning, heartache, you're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache, sit down. Good morning, heartache, Billie Holiday avec l'orchestre de Bill Stegmaier et le trompettiste Joey Guy en soliste. C'était le 22 janvier 1946. On retrouve une fois encore Joey Guy au sein d'une petite formation réunie le 13 mars pour une séance qui voit l'aboutissement d'un projet jusqu'ici inabouti, l'enregistrement d'une chanson du jeune compositeur et chef d'orchestre Leonard Bernstein, Big Stuff, qui semble donner du fil à retordre à la chanteuse si l'on écoute les versions précédentes qui n'avaient pas eu l'heure de plaire au compositeur. Il faut dire qu'ici, aussi bien Joey Guy que le guitariste Tiny Grimes savent accompagner la voix de Billy avec une grande délicatesse, soutenu par le piano de Joe Springer, la contrebasse de Billy Taylor et la batterie de Kelly Martin. So you cry, what's it about, baby? You ask why the blues had to go and pick you. So you go down to the shore, kid stuff. Don't you know there's honey in store for you? Big stuff, let's take a ride in my gravy train. The doors open wide, come in from out of the rain. So you stare, call it despair, baby. Don't you care, I'm on the square about you. Let's have a try, it may be that you're my guy. Let's take a ride in my gravy train. The doors open wide, come in from out of the rain. So you stare, call it despair, baby. Don't you care, I'm on the square about you. Let's have a try, it may be that you're my guy. Big Stuff, une chanson de Leonard Bernstein, Billie Holiday accompagné ici par le guitariste Tiny Grimes et le trompettiste Joey Guy, notamment en mars 1946. Au printemps de la même année, Billie Holiday participe à plusieurs concerts organisés par le producteur Norman Granz sous l'étiquette du Jazz at the Philharmonic, sous la forme de réunions de vedettes du jazz de générations et de styles divers présentées dans deux grandes salles de concert. Les réussites sont inégales, mais on trouve parfois Billie en pleine forme, comme lors de ce concert donné au Carnegie Hall de New York le 3 juin 1946. La chanteuse y est soutenue par le pianiste Kenny Kersey et un ensemble de saxophonistes dont se distingue le ténor d'Illinois Jacket. Nous les écoutons dans un vieux succès de Don Redman et Andy Razaf, popularisé plus tard par le trio de Nat King Cole, G-Baby, Ain't I Good to You. What makes me treat you the way that I do? Gee, baby, ain't I good to you? nothing in this world too good for a guy that's good and true. Gee, baby, ain't I good to you? Gave you my money, diamond ring, big Cadillac car, and everything. It's love that makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? What makes me treat you the way that I do? Gee, baby, ain't I good to you? There's nothing in the world too good for a guy that's good and true. Hey, baby, ain't I good to you? Gave you my money, a diamond ring, big Cadillac car, and everything. It's love that makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? Gee, baby, ain't I good to you? Gee Baby, Ain't That Good To You, Billie Holiday en vedette sur la scène de Carnegie Hall à New York en juin 1946 dans le cadre des concerts Jazz at the Philharmonic, ici en compagnie de Joey Guy, trompette, Georgie Old, alto, Illinois Jacket et Lester Young, ténor, Kenny Kersey au piano, Tiny Grimes à la guitare, Al McKibben contrebasse et Jesse Heard à la batterie. Quelques semaines plus tard, Billie Holiday est à Hollywood pour participer à un film en compagnie notamment de Louis Armstrong. Le film s'intitule New Orleans. Il ne restera pas comme un chef-d'œuvre dans l'histoire du cinéma, mais il nous reste quelques beaux moments de musique où se rencontrent ces deux monstres sacrés du jazz, Louis et Billie. Do you know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day? I know I'm not wrong. The feeling's getting stronger the longer I stay away. Miss the moss-covered vines, the tall sugar pines, where mockingbirds used to sing. And I'd like to see the lazy Mississippi a-hurrying to spring. The Mardi Gras, the memories of Creole tunes that fill the air. I dream of oleanders in June, and soon I'm wishing that I was there. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? And there's something more, I miss the one I care for more than I miss New Orleans. Do you know what it means to miss New Orleans? Billie Holiday avec l'orchestre de Louis Armstrong. Il y a aux côtés du trompettiste le tromboniste Kid Ory, le clarinettiste Barney Bigard, le pianiste Charlie Beal, le guitariste Bud Scott, le bassiste Red Callender et le batteur Zutty Singleton. Un enregistrement réalisé à Hollywood en 1946 pour le film New Orleans. Quelques semaines plus tard, de retour à New York, Billy fait la connaissance d'un jeune pianiste qui va jouer un grand rôle musical auprès de la chanteuse pendant les 3 ans à venir. Il est parfaitement à son aise dès cette première séance commune du 27 décembre 1946, comme on peut en juger sur cette prise de la chanson « Guilty ». « Si c'est un crime, alors je suis coupable, coupable de t'aimer », chante Billy, magnifiquement soutenu par son nouveau pianiste Bobby Tucker, tout juste interrompu par une intervention de l'altiste Lame Davis. Is it a sin? Is it a crime? Loving you dear like I do. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of loving you. Maybe I'm wrong, dreaming of you, dreaming the lonely night through. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of dreaming of you. What can I do? What can I say? After I've taken the blame, you say you're through, you'll go your way. But I'll always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you dear like I do. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of loving you. What can I do? What can I say? After I've taken the blame, you say you're through, you'll go your way. But I'll always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you dear like I do. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of loving you. Guilty, la chanteuse Billie Holiday, le 27 décembre 1946 à New York, avec à ses côtés le pianiste Bobby Tucker, et on entendait aussi en solo l'altiste Lame Davis. L'orchestre était dirigé par le bassiste John Simmons. France Musique. Vous écoutez All That Jazz, aujourd'hui le 3e chapitre de notre feuilleton consacré à Billie Holiday, qui aurait 100 ans cette année. Nous voici maintenant en février 1947. Billie enregistre toujours pour la maison Decca. Nous la retrouvons en compagnie de l'orchestre du bassiste Bob Haggart, dont se détache fugitivement ici le trompettiste Billy Butterfield sur cette version d'une composition de Duke Ellington qui va comme un gant au répertoire de la chanteuse Solitude. In my solitude, you haunt me with revelry. solitude. You taught me with memories that never die. I sit in my chair. There's no one could be so sad. With gloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad in my solitude. Solitude, magnifique composition de Duke Ellington, reprise ici en 1947 par Billie Holiday avec l'orchestre du bassiste Bob Haggart. 1947 reste dans la vie de la chanteuse comme une année particulièrement difficile puisqu'elle se voit envoyée à la fin du mois de mai dans un pénitencier en Virginie pour infraction à la loi sur les stupéfiants et Billie n'en sortira qu'en mars de l'année suivante, en 1948, et elle ne retrouvera les studios qu'en décembre de la même année. Entre-temps, la voix a changé, l'émotion est palpable sur cet enregistrement de cette chanson tirée de l'opéra de Gershwin « Porgy and Bess ». Le dépouillement du trio mené par le pianiste Bobby Tucker sied bien à l'atmosphère suggérée par Billie, qui prend bien soin de prononcer « I love you, Porgy » et non pas « I love you, Porgy » comme dans le parler noir qui était voulu par George Gershwin. Porgy, don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I want to stay here with you forever, and I'll be glad. I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hand. If you can keep me, I wanna stay here with you forever. I've got my man. Someday I know he is coming back to call me. He's going trying to handle me and hold me so. It's going to be like dying, Poggy, when he calls me. But when he comes, I know I'll have to go. I love you, Poggy. Don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay here with you forever. I've got my Man. I Love You, Poggy de George Gershwin dans la voix de Billie Holiday, ici avec le trio du pianiste Bobby Tucker, John Levy à la contrebasse, Denzel Best à la batterie, en décembre 1948. Le même jour, la chanteuse et son pianiste appliquent le même traitement, alternance entre tempo mesuré et tempo rubato, pour cette nouvelle version de My Man, adaptation de la chanson française Mon Homme, popularisée par Miss Tinguette et plus tard par Edith Piaf, une chanson que Billy avait déjà gravée par le passé, mais que j'ai préféré vous faire entendre dans ce dépouillement, dans cette pureté qui souligne la manière dont la chanteuse investit pleinement les paroles. It cost me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold or wet, tired you bet, all of this I'll soon forget with my man. He's not much on looks, he's no hero out of books, but I love him. Yes, I love him. Two or three girls has he that he likes as well as me, but I love him. I don't know why I should. He isn't true, he beats me too. What can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair. But I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright. All right. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I'm his. My Man, Mon Homme de Maurice Yvain et Albert Wilmette, dans la version de Billie Holiday gravé en décembre 1948 avec le pianiste Bobby Tucker, le contrebassiste John Levy et le batteur Denzel Best. Les années 1949 à 1951 sont assez pauvres dans la discographie de la chanteuse, dont la voix accuse de plus en plus un mode de vie particulièrement déséquilibré. Il faut attendre l'année 1952 pour voir Billy reprendre le chemin des studios avec un projet déterminé, celui du producteur Norman Granz, qui la met en présence des meilleurs musiciens du moment. Ce climat de confiance engendre quelques joyaux dès la première séance du printemps 1952, à commencer par cette nouvelle version de « These Foolish Things » dont Billie Holiday réécrit presque entièrement la mélodie. Lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings, these foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be. The winds of March that make my heart dancer, a telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. How strange, how sweet to find you still. These things are dear to me. They seem to bring you near to me. The scent of smoldering leaves, the wail of steamers, two lovers on the street who walk like dreamers. Oh, how the ghost of you cling. These foolish things remind me of you. These Foolish Things, Billie Holiday avec le trio du pianiste Oscar Peterson, Barney Kessel à la guitare, Ray Brown à la contrebasse, augmenté du batteur Alvin Stoller. C'était au printemps 1952 à Los Angeles. L'atmosphère change radicalement lorsque les soufflants interviennent et que le répertoire s'ouvre à un tempo plus vif, dans un climat qui renvoie aux séances des années 30 organisées autour du pianiste Teddy Wilson. Voici une Billie Holiday particulièrement mutine sur ce standard de Harry Warren et Al Dubin, « I only have eyes for you ». Les protagonistes du titre précédent sont rejoints par le trompettiste Charlie Shavers et le saxophoniste Flip Phillips. it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you. The moon may be high, maybe millions of people go by, but I only have eyes for you. I don't know if when crowded avenue, you are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view, and I only have eyes for you. Only I Have Eyes For You, Billie Holiday au printemps 1952 avec le trompettiste Charlie Shavers, le saxophoniste Flip Phillips, le guitariste Barney Kessel, le contrebassiste Ray Brown, le batteur Alvin Stoller et bien sûr le pianiste Oscar Peterson que l'on retrouve maintenant en duo avec Billie Holiday sur un standard de Cole Porter, Love For Sale. For sale, appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Who will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poet's pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old love, new love, every love but true love. Love for sale. Appetizing young love for sale. If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. Love for Sale, une très belle interprétation de cette chanson de Cole Porter, gravée au printemps 1952 pour le label de Norman Granz par la chanteuse Billie Holiday et le pianiste Oscar Peterson. La concentration est aussi palpable dans ce Tenderly, gravé au cours de la même séance, où Billie partage le devant de la scène avec le saxophoniste Flip Phillips. On y entend la chanteuse quelque peu en difficulté avec les notes les plus graves de la mélodie sur le mot « breathlessly », à bout de souffle, mais cet écueil ajoute encore à la vérité nue de l'émotion. The evening breeze caressed the trees tenderly. The trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I came wandering by and lost in a sigh, were we? The shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms open wide and close me inside. You took my lips, you took my love so tenderly. Then you and I came wandering by and lost in a sigh, were we? The shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms open wide and close me inside. You took my lips, you took my love so tenderly. Mm-hmm. Tenderly, Billie Holiday en compagnie de Charlie Shavers, trompette, Flip Phillips, ténor, Oscar Peterson, piano, Barney Kessel, guitare, Ray Brown, contrebasse, Alvin Stoller, batterie, au printemps 1952. Quelques semaines plus tard, Billie profite d'une nouvelle séance pour le producteur Norman Granz pour reprendre un titre qu'elle avait déjà gravé pour le label Commodore, He's Funny That Way. C'est une réussite dès l'introduction, en duo avec le pianiste Oscar Peterson, comme toujours subtil accompagnateur, une réussite qui doit aussi beaucoup à la qualité du soutien du trompettiste Joe Newman et du ténor Paul Kinichet, qui s'exprime dans un style très proche de celui de Lester Young, ce qui ne saurait déplaire à Lady Day. Et c'est avec ce petit bijou que nous allons refermer le troisième chapitre de ce feuilleton consacré à Billie Holiday. She dressed in tweeds and drapes, owned a Rolls Royce car. Now he seems quite out of place, like a fallen star. While I worry, plan and scheme over what to do, can't help feeling it's a dream. He's just too good to be true. I'm not much to look at, I'm nothing to see. I'm glad I'm living at night, lucky to be. But I've got a man crazy for me. He's funny that way. I ain't got a dollar, can't save a cent. He doesn't holler, he'd live in a tent. I've got that man mad about me. He's funny that way. Though he loves to work and slave for me every day, he'd be so much better off if I went away. But why should I leave him? Why should I go? He'd be unhappy without me, I know. That man crazy for me, he's funny that way. It's Funny That Way, la chanteuse Billie Holiday, le 27 juillet 1952, avec à ses côtés le trompettiste Joe Newman, le saxophoniste Paul Kinichet, le pianiste Oscar Peterson, le guitariste Freddie Green, le contrebassiste Ray Brown et le batteur Gus Johnson, un enregistrement réalisé pour le producteur Norman Granz, qui n'avait pas encore réuni ses différents labels sous l'appellation Verve. Mais c'est aujourd'hui sous cette étiquette Verve que vous pouvez trouver tous ces chefs-d'œuvre gravés à partir de l'année 1952. Ainsi se referme le troisième chapitre de ce feuilleton consacré à Billie Holiday. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le quatrième et dernier épisode. Il me reste à remercier Léa Racine qui nous a aidé à préparer cette émission et Christine Amado pour la réalisation, avec à la technique aujourd'hui Pierre-Henri. Et soyez swing, soyez bop, soyez cool, soyez free. And all that jazz.